comme un petit frère, on m'a dit faudra t'y faire. Je t'ai mis comme un grand frère, mais t'avais autre chose à faire. Wesh petit frère, quand on grandit on meurt jeune. Moi j'ai besoin d'argent, des fois je fais courir l'argent. Tu m'écoutes pas, t'en fais qu'à ta tête. Tu penses qu'au gars dit à faire la fête. J'ai pas un, je me sens seul. Dès qu'il sort chez lui, je nique dans l'ascenseur. Pas confiance aux gens. Derrière le vrai y'a le méchant. Je me pose plein de questions. Comment y'a rien d'aller. Je te voyais comme un petit frère. On m'a dit faudra t'y faire. Je t'aimais comme un grand frère. Mais t'avais autre chose à faire. Je te voyais comme un petit frère. On m'a dit faudra t'y faire. Je t'aimais comme un grand frère. Mais t'avais autre chose à faire. Tu restes mon petit frère. Tu restes mon petit frère. Tu restes mon grand frère. Tu restes mon grand frère. Envie de me faire un client, dans ma poche c'est le néant. Rien de plus trouver un travail. Et ouais mais y'a rien de payant. Petit frère fais gaffe à toi. Grand frère t'inquiète pour moi. Je me sens pas, je sais pas pourquoi. Je fais ma vie sans faire du voix. Attention à toi si j'attends que tu braques. Je galère mais je suis pas de sac. Pas dans le jeu mais crois pas que je blague. J'ai fait un délit, j'ai caché ma plaque. On m'a dit faudra t'y faire. Je t'aimais comme un grand frère, mais t'avais autre chose à faire. Je te voyais comme un petit frère. On m'a dit faudra t'y faire. Je t'aimais comme un grand frère, mais t'avais autre chose à faire. Je te voyais comme un petit frère. On m'a dit faudra t'y faire. Je t'aimais comme un grand frère, mais t'avais autre chose à faire. Je te voyais comme un petit frère. On m'a dit faudra t'y faire. Je t'aimais comme un grand frère, mais t'avais autre chose à faire. Reste mon petit frère.